Commencez! Tout le monde est prêt! Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'un Skrull, quand il est pas bien, il est vert de colère? Il est en furie. Cette conversation. Il est vert de jalousie. De jalousie. Il est en furie. On l'a entendu. Olivier, on l'a entendu. Ouh, pas mal. Ouais. C'est ça bien. Va par dire que Talos, c'est un pervers, tu vois. Merci. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Marvelicious. Je ne comprends pas, sur mon PC, j'ai ton visage en gros, Laurent. Je te mets sur l'autre écran. Voilà. Je ne voyais plus Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va? Ça va, nickel. Impeccable. Désolé, je mange une pomme en même temps que le pote. Et ça Laurent mange son sandwich à la saucisse, il vient de faire un barbecue. Donc voilà. Donc c'est le podcast... du soir, voilà. Ça va Laurent? Ça va très bien, je viens de finir de manger là, donc tout va bien, je suis détendu. Est-ce que tu es repu? Ah oui, c'est bon, on peut attaquer le podcast. On peut attaquer le podcast, exactement. Et, oh alors, on fait un vote, qui vote que c'est la plus femme, la plus belle du podcast game? Moi je vote. Deux. Il n'y a que 2 sur 5, voilà. T'as 3, Mickey aussi, voilà. Bon. Bonjour, Pauline. Non, mais Laurent, il y a sa femme à côté, c'est pour ça qu'il... Ah, c'est pour ça qu'il n'ose pas. Bonjour, bonjour, Pauline. Bonsoir. J'ai du mini à côté. Ça va? Ça va, et vous? Oui, ça va. Je pense que tout le monde va bien. Et... Oh, il ne regarde pas la caméra, mais il sait qu'il est beau, il est de profil, il ressemble à un spartiate. C'est Mika. Bonjour Mika. Salut. Je suis le Batman. C'est exactement ça. Tu fais peur. Parce que je voulais jouer avec la bête. Ah d'accord, ok. C'est quoi, c'est une araignée? Non, c'est un escargot. Ah, je vois pas. Ah, attends. Ah oui, oh. Vas-y, mange-le. Non. C'est comme Bob l'éponge, c'est Gary l'escargot. C'est Gary l'escargot, tu l'appelais Gary? C'est ça, tu l'entends? Bob. C'est Bob. Bob l'éponge. Ouais, ça rappelle des souvenirs, Laurent, ça. Gary l'escargot qui miaule. C'est magnifique. Bon, on se rejoint aujourd'hui pour parler de la nouvelle série Marvel, Secret Invasion. Et en québécois, ça se dit comment? D'après leur loi 1901. Okay. Comment ça se dit en québécois? Je sais pas. Oh. J'ai pas vérifié. C'est pas la loi de 1901, c'est la loi 101, je crois. J'ai 1901. La loi 101, eh ben, c'est très simple. Ils l'appellent ça, d'après leur loi 101, là, eh ben, l'invasion secrète. Voilà. Secrète. Voilà, c'est tout. Nous, c'est Secret Invasion. Oui, c'est une loi qu'ils ont, en fait, qu'ils ont pris ou en fait, ils sont obligés de traduire. Le titre des films, etc. en français. Donc, c'est l'invasion secrète. Donc, l'invasion secrète. Et, ils appellent l'homme araignée et le multivers, c'est ça ou... Je sais pas. Faudrait regarder. Faudrait que tu regardes. Tape. Les noms des personnages, ils peuvent les laisser, mais tout le reste, ils traduisent. D'accord. Ah oui, c'est peut-être. Oui, non, je crois que c'est que les noms de films. Hein. Je crois pas que ce soit. Je crois que Cars, ils appellent ça les bagnoles. Je crois, un truc comme ça. C'est. Ça vend moins, quoi. Ouais. Les bagnoles par Pixar, super. Bon, on est là pour parler de Secret Invasion, cette série qui est consacrée, on peut le dire, aux Skrulls, voilà, et à Nick Fury. Voilà, à Nick Fury. Nick Fury a sa série, donc on a eu She-Hulk avec She-Hulk, on a eu Loki, on a eu Captain, le Faucon et son Soldat d'Hiver, et puis là, on arrive Secret Invasion, qui est consacré à Loki et notamment à l'invasion des Skrulls. Alors, je me suis permis de regarder un petit peu les résumés qu'il y avait par des distributeurs sur Internet. Et en fait, généralement, le synopsis, ils disent que c'est lorsque Nick Fury apprend que la Terre va être envahie par des Skrulls métamorphes. Alors, c'est un peu c'est incohérence qu'un Skrull, à la base, il est métamorphe, hein, d'accord ? Pas besoin de le préciser, mais bon. Et du coup, il a interrompu sa mission spatiale où il était avec, si vous vous souvenez, avec Miss Marvel ? Mika ? Ouais. Avec Miss Marvel. Et il a interrompu sa mission pour revenir sur Terre et rejoindre Maria Hill, etc., etc., et le Skrull Talos, bref. Voilà. Et en fait, on est en pleine invasion. La Terre va se faire envahir par des Skrulls. Et notamment par une faction Skrull, des Skrulls rebelles, on va dire ça. On va écouter qui se perd. Skrulls rebelles. Et on a. Bizarre. Pauline, tu disais quelque chose C'est Priscille, je pense. Ah, est-ce que Laurence, si elle parle, on peut se mettre en mute. Priscille, on t'entend bien. Ah oui. J'ai une belle voix, Priscille. C'est magnifique. Du coup, en fait, c'est une faction Skrull, puisqu'en fait, il y avait. Alors, faut savoir, c'est que ça fait. Cet épisode-là fait beaucoup référence à Captain Marvel, et notamment en ce que Captain Marvel et Nick Fury avaient promis de trouver une nouvelle planète pour les Skrull. Mika, je me trompe pas, rassure-moi. Pour l'instant, c'est bon, ma copie est bonne. Pour le moment, c'est ça. Voilà, pour le moment. Mais une faction qui est. Sur Terre, une sorte de faction rebelle qui ne veut pas aller ailleurs, puisque la Terre leur convient. Et, on apprend dès le début du film que ça fait plus de 30 ans à peu près qu'ils sont présents. Oh, et si on fait 2023 moins 30 ans, ça fait, Olivier attends, là, tu m'as pris de court, là. 2023. Ah, bah, 1993. Ouais, 1993. On est à peu près dans quel film dans le MCU? 4. Captain Marvel. Voilà, Captain Marvel, c'est les années 90, exact. C'est ça, exactement. Ça se passe dans les années 90. Voilà, en gros, j'ai résumé en détaillant un tout petit peu. Mais voilà. Et on va commencer à parler juste de, si je peux me permettre, de l'esthétique du film. On peut dire ça. Hein, juste sans rentrer sur le fond et personnage par personnage. Moi, j'aimerais savoir. Pauline, qu'est-ce que tu en as pensé de premier abord de ce premier épisode ? Tout ce qui est niveau visuel, tu veux dire un petit peu ? Oui, enfin, de manière générale, si t'as plu, voilà, oui, niveau visuel ouais. Aussi. Écoute, j'ai trouvé ça pas mal. Je trouvais assez sombre, tu vois, visuellement parlant. Mais ça m'a fait penser beaucoup. Tu sais, parfois, je trouve que les séries Marvel, elles ont un peu le même esprit entre elles. Et là, je trouvais que... Après, c'est... Je sais pas, c'est peut-être moi, mais... se rapprocher un peu de Falcon et le Soldat d'hiver, là, Faucon et Soldat d'hiver. Un peu l'ambiance, mais différemment quand même. Mais un petit peu le même type, on va dire, de série, je trouve. Mais c'est pas, je trouvais ça pas mal pour un premier épisode, franchement, pas trop mal. Olivier ? Oui, bah moi j'ai beaucoup aimé le style un peu sombre. Des pays soviétiques comme on se les imagine en fait hein, dans les films d'espionnage, donc ça fait plus film d'espionnage. Moi ce que j'aime bien ça, c'est pour ça que le Soldat d'hiver est un de mes Marvel préférés, parce que c'est plus un film d'espionnage en fait qu'un film de super-héros, je trouve, même s'il y a des actions de super-héros. Donc pour le moment j'ai beaucoup apprécié l'épisode. C'est vrai qu'il est assez lent. Les critiques disent que l'épisode est un peu trop lent. Moi, je me suis pas ennuyé quand même. Je trouve que ça met bien en place les choses. Et puis, le final de l'épisode, moi, m'a scotché. Je m'y attendais pas du tout. Merci. Voilà. Alors, on va voir la suite. Ah oui, c'est vrai. Laurent, c'est tourné dans le noir. C'est son. Il a bu ? Des jeux de dupes, on ne sait pas trop qui est qui. C'est vraiment une ambiance d'agent secret. Chut. D'accord, ok. Ok, merci. Et toi, Mika ? Moi j'ai trouvé ça, alors c'est con, mais j'ai trouvé ça un peu cheap, tu vois, sur le rabat-joie. Ouais, complet. Ah, mais j'ai pas été super emballé moi par cet épisode, et je pense que je dois être celui du tas qui est pas trop. Et j'avoue que j'étais un peu déçu moi au niveau de l'esthétique et tout. C'est alors ouais, tu retrouves un petit peu ce côté comme dans le soldat de l'hiver et compagnie, ce petit côté espionnage, mais j'ai trouvé ça un peu mou. Et visuellement, je m'attendais un peu à autre chose en fait que juste la Russie comme ça, là, comme c'est dedans, sans trop de lieux un peu posés déjà et compagnie. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé ça ouf quoi. On a presque l'impression que ça manquait de budget ou qu'ils ont passé le budget ailleurs, sûrement peut-être plus loin dans la série quoi. Mm-hmm. Mais ouais, j'ai juste l'impression de manque de budget quand même. Bon, bah écoute, c'est un avis parmi d'autres. Moi, je l'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est le plus excellent de premier épisode, loin de là, mais en tout cas, j'ai bien aimé, entre guillemets, je l'ai pris comme une mise en bouche de la série, en fait, de la série. Je l'ai pas pris comme l'épisode phare, etc. J'ai quand même peur, un peu comme toi, Mika, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle des épisodes un peu comme dans Mandalorian, qui servent trop à rien l'histoire, tu sais, des. Du tampon, à peu près, on va dire ça. Voilà, mais filler, voilà, mais je pense pas que ce soit le but, qu'il y a 6 épisodes, donc je pense que. Voilà. Le choix de la Russie, alors pour info, c'est pas anodin. Mika, tu sais pourquoi, je pense, je sais pas. Oh non, là, comme ça. Non. C'est pas anodin, parce que c'est vrai qu'on peut être surpris que ce soit Moscou, parce que c'est d'entrée, on est mis en évidence que c'est à Moscou. C'est parce qu'en fait, à Moscou, il existe un complexe. Qui s'appelle New Skrullos. Voilà. New Skrullos, qui est le foyer, du coup, on apprend, qui héberge les Skrull rebelles qui veulent envahir la Terre. Et on va dire, ce complexe New Skrullos, c'est là où vivent. Bah, on le voit dans l'épisode, justement, ils rentrent dedans. Vous savez, quand ils recrutent un Skrull et on découvre certaines choses qu'on parlera tout à l'heure. En fait, ça se passe en Russie. Et Alors dans les comics, New Skrullos est créé sur la Terre parce que les Kree sont en guerre avec les Skrulls et les Kree ont détruit la planète natale des Skrulls et les Skrulls se réfugient dans ce complexe-là et qu'ils appellent New Skrullos. Mais ça, c'est dans les comics. Voilà. Bref, pour dire, voilà, c'est pas anodin non plus, c'est une petite référence aux comics là-dessus. En tous les cas, le fond, à part Mika, on est tous... Voilà, il nous a plu, on attend de voir quand même le reste. Voilà. Le générique, alors... Joli ou pas joli, parce que c'est important un générique chez les films Marvel, bien entendu. Hein, on le regarde tous, le générique. Mais Olivier, est-ce qu'il t'a plu le générique? Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé très angoissant, très énigmatique, ouais, très vert. Et puis, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, on dirait que ça ressemble aux images faites par intelligence artificielle. Ouais. Et puis, j'ai appris ça aujourd'hui, qu'effectivement, ça avait été fait par une IA. Par une IA, tout à fait. Tout à fait, ça a été fait par une IA. Alors du coup, je ne sais pas quel... Alors, d'après, j'ai regardé un petit peu, ils auraient utilisé un logiciel pour réaliser le générique. Alors il y a plusieurs logiciels qui citent, je ne peux pas le citer, mais sur la revue, l'article que j'ai lu. Et alors ils justifient ce choix en expliquant, en fait, c'est dans la thématique. L'IA reproduit, entre guillemets, l'idée c'est que l'IA, on va dire, va mettre en avant un aspect que toi tu as imaginé, et eux ils estiment que en fait le générique que nous avons là, fait par une IA, ça représente ce qu'ils appellent la métamorphose. Voilà. Bon, faut imaginer le truc, mais bon, je me suis renseigné, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais. En tout cas, le producteur de la série a justifié. Alors, je vous lis, hein, parce que. Donc, Ali Selim, le producteur de la série, a expliqué que le choix de l'IA, c'était dans la thématique du show. Pourquoi? Parce que, pour lui, je cite, alors j'ouvre les guillemets, ça sort presque du monde et de la compétence de métamorphose des Skrulls. Qui a fait ça? Qui a fait cette générique? Eh bien, c'est une IA. Voilà. C'est ce qu'il dit. Voilà. Et pour travailler sur le générique, ils avaient consulté Marvel Studios, un studio spécialisé dedans. Voilà. Et ce studio-là avait travaillé avec la série Loki ou Moon Knight. Voilà. Et l'utilisation de l'IA, c'est une toute première, parce que ça s'est jamais vu apparemment. Je sais pas, vous avez déjà... Non, ça s'est jamais vu, je crois. Et comment... Et l'utilisation de l'IA ici, donc il explique Ali Salim qu'il donnait des idées à l'IA, des thèmes, des mots-clés, et l'ordinateur se mettait seul à créer quelque chose. Ensuite, on changeait le résultat petit à petit en utilisant d'autres mots. Ça a été amusant et différent. C'est incroyable, quoi. Ah, c'est dingue. Bah, d'ailleurs, au final, oui. Les scénaristes font grève, entre autres, pour interdire l'utilisation de l'IA pour l'écriture des scénarios. C'est vrai. C'est vrai. Et en tout cas, là, rien que pour le générique, ça fait un peu flipper parce que tu te dis, il est pas mal le générique. Bon, c'est très vert, mais je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire, de toute façon, vu que les scrolls sont verts, donc ils vont faire quelque chose de vert. Mais en tout cas, je trouve ça à la fois effrayant parce qu'en fait, tu vois, le générique n'a pas été fait par une personne humaine qui aurait pu être créative, tu vois. Une personne. Je sais pas spécialiste, mais au moins un laboratoire, un studio de cinéma qui fait des effets spéciaux. Mais là, en fait, tu te dis, ils ont fait une belle IA, qui est globalement pas mal, et tu te dis, la vache, c'est une IA, donc ça a pas dû leur coûter grand-chose, quoi, derrière. Comme tu dis, c'est derrière, c'est ce qu'ils vont se faire remplacer qui perd les scénarios. Est-ce que tu auras des scénarios à payer? C'est pareil. En tout cas, c'est à la fois effrayant, en tout cas, et impressionnant. Tu vois c'est vrai. Voilà. Je voulais juste faire cette parenthèse là-dessus. Voilà, elle est faite. Ton acte. Voilà. Bon, on va parler des personnages maintenant. Ah ouais. Pauline. On va parler des personnages. On va parler du personnage principal en même qui entoure effectivement cette série. Alors, Samuel L. Jackson revient. C'est magnifique. Super acteur. Tout ça. Mmh. Rien à dire là-dessus. Mmh. D'ailleurs, on a du mal à voir qui pourrait l'incarner, Nick Fury, à part lui. Mais bon, bref. Pauline, est-ce que tu as bien aimé comment a été intégré d'entrée dès ce premier épisode Nick Fury? Écoute, oui. Après, je t'avoue que j'ai été un peu perdue au départ parce qu'il fallait se rappeler un peu de tout ce qui s'était passé avant. Tu sais, on a quand même eu une sacrée période entre Endgame et la série. Donc, j'ai un peu mis du temps à me remettre dans le contexte. Mais après, j'ai trouvé que franchement, il a toujours sa place vraiment dans ce MCU et qu'il reste iconique et que son rôle reste iconique. Maintenant, on sent qu'il est brisé par tout ce qui s'est passé quand même et que on sent qu'il a essayé de se détacher et qu'il essaye quand même de reprendre un peu sa place, qu'il est là pour aider. Mais c'est un Nick Fury différent d'avant, mais en même temps, il reste le même. C'est contradictoire, madame. Ouais, je sais, mais je veux dire, il peut pas être exactement comme il était avant. C'est vrai. Oui, parce que lui, il a disparu. Il est changé. Il a disparu, lui. C'est ça. Après le claquement de doigts de Thanos, lui, il a disparu. C'est dans la scène post-générique de... Il se rappelle dans l'épisode, d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Et puis, il y a une référence, d'ailleurs, on le voit en train de disparaître dans l'épisode. Effectivement. Ouais. Olivier, Nick Fury. J'adore. C'est le l'acteur boss. Les deux. Les deux. J'adore l'acteur. J'adore. Il a un charisme de fou. Et je pense que c'est, si je me trompe pas, c'est le personnage qui est là depuis le début. Ah, c'est le directeur du Shield. Ouais. Et puis donc on le voit depuis le tout début. Et je trouve qu'il a un charisme exceptionnel. Il en impose, quoi. Enfin, il est vraiment super. Et j'ai bien aimé le... Tu trouves qu'il en impose dans cet épisode-là? Ouais, moi, je trouve. Je trouve qu'en fait, il fait semblant de... Tout le monde le prend pour un vieux qui... Mais en fait, tu vois qu'il est encore futé. Il met des mouchards. Je pense qu'il a les pieds sur terre. Et avec ce qui se passe au dernier épisode, il va devenir vraiment le Nick Fury qu'on a connu avant. D'ailleurs, là, on le voit sans son cache-œil dans le premier épisode. Ce que j'ai trouvé étrange, a priori dans la bande-annonce, j'ai regardé les épisodes d'après, il aurait de nouveau son cache-œil. Donc je pense qu'il va redevenir le Nick Fury efficace et éventuellement violent qu'on a connu. Mika, tu trouves que ça, c'était un Nick Fury qui est équivalent à celui qu'on a connu d'avant? Alors, je ne dirais pas équivalent, mais je suis un peu sur le même avis. J'ai l'impression qu'il... qu'il le fait un peu exprès de se montrer plus faible que ce qu'il l'est vraiment pour mieux ressortir plus tard. Après, sur sa manière d'agir, il le dit en plus qu'il se laisse exprès enlever, que pour justement pouvoir aller là-bas pour poser son mouchard. J'ai pas l'impression qu'il soit si en retard que ça, contrairement à ce qu'on lui dit, qu'il sait bien ce qui se passe, même s'il se fait un peu avoir, mais bon, c'est compliqué avec les Skrulls de pas se faire avoir. Moi je le trouve aussi, peut-être pas aussi vif parce que tu sens qu'il a vieilli, c'est le côté physique qui a changé. Ouais, le physique va pas, mais j'ai l'impression que l'esprit est toujours là et que ça, la continuité devrait amener à le forcer à reprendre du boulot. Mais en même temps, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont vu, la scène post-générique de Spider-Man, c'est lequel, c'était No Way Home, Far From Home. Ouais, c'est ça, Far From Home, où il est en train de se dorer la pilule sur le vaisseau. C'est excellent. Saber après, mais que du coup, il est dans. D'ailleurs, ils en font référence au Saber dans la série. Il est dans l'espace depuis un petit moment. Tu sens qu'il supervise plus que ce qu'il fait autre chose de physique. Ça a dû un peu le fatiguer. Bon, après, moi, je me méfie toujours. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas un Skrull? Est-ce que vu qu'on le, c'est un Skrull dans tout Far From Home. Je me méfie de tout le monde, moi, dans cette série maintenant. Bah, c'est un peu le problème, je pense. Oui, d'ailleurs, c'est le problème du comics. Hein. Ouais. Dans le comics, c'est le casque. En fait, dans le comics. C'est dans le comics. D'ailleurs, on se pose plein de questions. On peut spoiler ou pas, du coup? Bah oui. Ouais, parce que le personnage d'Everett, au début, on se rend compte que c'est un Skrull, mais il est Skrull depuis quand, en fait? C'est ça la question. Ouais. Alors moi, c'est d'autres questions que je me pose, c'est où est-ce qu'il est le vrai Brett. Est-ce qu'il est mort ou pas ou Non, il est. Alors dans les comics, il est garde vivant. Dans les comics, non, il est garde vivant. Dans les comics, il est garde vivant. Ils sont dans un vaisseau Skrull. Et dans la série, tu les vois vivants dans New Skrullos. Tu les vois New Skrullos, mais je me pose la même question. Ça fait combien de temps que Everett du coup est un Skrull? Et je trouve que ça, c'est le genre de truc qu'ils n'ont pas mis dans la série en avant. Alors peut-être plus tard, ils le feront, mais qu'ils ne l'ont pas mis vraiment poussé du genre merde. Si lui, c'est un Skrull, ça fait combien de temps qu'il est qui d'autre peut l'être au gouvernement? On ne peut plus faire confiance à personne. Et je trouve que tout ça, c'est un peu manquant pour moi dans ce début de série-là. Parce que ça va être le président. C'est des métamorphes, donc ils prennent pas que le physique des personnes, c'est qu'ils prennent aussi leurs souvenirs. Et tu le vois d'ailleurs dans la série, quand ils sont dans New Skrullos, il regarde, il le touche, il prend son physique, mais après, tu vois, il lui met la main sur sa tête, je crois, et il lui prend ses souvenirs. Voilà. Ouais. Et dans le comic, c'est la même idée, sauf que dans le comic, les Skrulls, des fois, alors, sont tellement investis dans leur rôle, entre guillemets, qu'ils savent même plus s'ils sont Skrulls eux-mêmes ou le vrai. Yes, d'accord. Tu vois, dans le comics, par exemple, il y a Tony Stark. On lui explique que c'est un Skrull, etc. Et lui, il a un doute. Il dit non, je suis pas un Skrull, c'est impossible, machin, etc. Alors que c'est, il a le challenge de Tony Stark, il a ses souvenirs, etc., etc. Et si tu veux, il y a vraiment même les Skrulls eux-mêmes, quand ils sont tellement investis dans leur lot, on va dire, qu'ils ont pris. Ben, dans le comics, ils n'arrivent plus à savoir s'ils sont ils sont Skrull ou pas. Mm-hmm. Et là, c'est un peu la même idée aussi, quoi. Il y a des agents dormants dans le comics où ils sont persuadés d'être vrais, jusqu'à qu'on leur déclenche leur mémoire de Skrull pour qu'ils reprennent leur apparence de Skrull. Donc l'invasion Skrull, par exemple, dans le comics, c'est tout part de. Alors, je crois que c'est Elektra qui meurt. C'est Elektra qui meurt et puis elle se transforme en Skrull. Et Iron Man, il fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est un Skrull? Et là. D'entrer dans le comics, tous les super-héros se regardent, c'est putain, qui est Skrull, quoi. C'est tout. Dans tout le comics, t'as vraiment le doute. Ils prennent possession des super-héros, des dirigeants des pays du monde. Et si tu veux, c'est comme ça qu'ils envahissent les planètes. Mais et en plus, c'est les populations Skrull, parce que ici, dans la série, c'est une faction Skrull. Dans le comics, c'est le peuple Skrull, à mon souvenir. Je l'ai lu il y a longtemps, mais à mon souvenir, c'était le peuple Skrull. C'est les Skrulls qui ont envahi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les Skrulls qui ont envahi, parce qu'ils n'ont plus de planète. Là, c'est une faction. Parce que dans le MCU, les Skrulls sont gentils. Donc, du coup... Et d'ailleurs, ça fait une superbe introduction. Laurent, tu te souviens du personnage de Talos qui est joué par comment il s'appelle l'acteur? Putain, il m'a dit quelque chose, j'ai regardé l'autre fois. Ben Mendelsohn, je crois, un truc comme ça. Ben Mendelsohn, un truc comme ça. Voilà. Talos qui est le Skrull gentil qui est le Nick Fury, justement, Laurent. Oui. Est-ce qu'il t'a plu, ce personnage? Bah ouais, pas mal, honnêtement. Mais j'ai plus porté mon attention sur Nick Fury, quoi. Après. Et donc, alors, pour rapport à Nick Fury, vu que toi, Nick Fury, tu as apprécié la façon dont il a été mis en place dans la série, dans cet épisode? Bien, je pense qu'il a été placé intelligemment. Il apparaît effectivement plus vieux. Bon, il apparaît pas direct comme étant un agent. Il est pas dans l'action aujourd'hui, quoi. Il est pas, ça flingue pas à tout va. Mais il a son esprit. Il est vraiment. On voit qu'il est très intelligent. Et je pense que c'est volontairement. Il est volontairement placé. Je dirais en dessous de sa vitesse pour l'amener dans les prochains épisodes où il va monter en puissance. Je pense progressivement. Je pense que voilà, je m'inquiète pas du tout par rapport à ça. Et au contraire, j'apprécie la façon dont il a été placé. Je suis sûr qu'il ruse. C'est un manipulateur, Nick Fury. C'est un manipulateur. Moi, j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu paumé. Je suis pas sûr. Il a l'air un peu. Moi, j'ai un peu paumé et j'ai surtout. C'est un... Oui. Vas-y, Pauline. Non. Tu le truc, c'est que moi, il m'a l'air un peu paumé quand même, quoi. Est-ce que moi, je connais le Nick Fury qu'on connaît. Déjà, il est en cuir. C'est le directeur du Shield, donc du coup, faut pas le faire chier. Il est dur, il est puissant, du moins dans sa la façon dont il s'exprime, etc. Là, je le trouve pas. Là, il y a une barbe dégueulasse, là, grise. Tu vois, enfin, c'est pas le Nick Fury qu'on connaît du tout, comme tu dis. Il a même plus le bandeau. Il va la retrouver dans la série. Hein. Mais non, mais c'est pas physiquement, c'est pas le. Il paraît peut-être plus vieux, mais pour moi, je sais pas. Nick Fury, c'est le gars. Il est là pour protéger la Terre, tu vois. C'est le Shield, quoi. Tu te dis, il arrive. Là, on sait même. Il est plus directeur du Shield, je crois maintenant. Il y est plus, tu vois. Donc du coup, tu vois, c'est plutôt un Fury déchu. Tu vois, que j'ai en face de moi. Alors peut-être c'est fait exprès. Peut-être que, comme vous dites, progressivement, il va remonter en puissance, etc. Je dis pas. Mais moi, là, ça m'a plutôt marqué. J'avais vraiment eu l'impression d'un Fury faiblard, qui a quand même encore quelques réflexes, notamment la caméra qui met dans le hibou. Il a 75 ans, je crois. En même temps, ils peuvent pas trop. Ouais, bah quand même. Attends, c'est Nick Fury, quoi. Il faut qu'il reprenne ses marques aussi. Attends, et j'ai l'impression qu'il a été aussi très marqué, tu sais, par sa disparition, suite au claquement de doigts de Thanos, quoi. Donc du coup, j'ai l'impression que ça va tout faire, le cache-œil. C'est puissant. Donc on va revenir à Talos. Donc Talos, qui est joué par Ben, effectivement. Moi, il m'a fait penser, tu sais, au. J'avais vu, moi, c'est dans Ready Player One. C'est super, ce film. Oui, bah, c'est un super acteur. Oui, carrément. Il a joué aussi dans un Star Wars, alors je crois que c'est Rogue One, si je me trompe pas. Oui, ça arrive. Et il a joué aussi, alors, on va se concentrer au MCU, il a joué dans Captain Marvel et dans Spider-Man Far From Home. Et donc, ce qu'on savait déjà, c'est que c'est un copain de Nick Fury. Hein. Alors, Mika, t'en as pensé quoi de Talos? Parce qu'on l'avait, avant, on l'avait aperçu, on va pas dire qu'on l'avait vraiment connu comme là. Hein. Alors, pour le coup, lui, je le trouve vieillissant. J'ai l'impression que lui, il est un peu perdu. Et je sais pas, j'ai ce sentiment qu'il essaye quand même de sauver même les... Il veut sauver son peuple, même cette fraction rebelle. Parce que quand il dit à Nick, enfin, c'est mon combat, ma bagarre, tu t'en mêles pas et compagnie. Et que du coup, il est un peu en train de se faire défoncer et que bah, l'autre, il lui met deux balles au Skrull contre qui il est en train de se battre. Tu sens que ça l'emmerde, ça le fait chier de se dire il y a un Skrull qui est mort pour rien, qu'on aurait peut-être pu sauver. Et alors, sur le coup, je me suis posé deux questions. La première, c'est est-ce que du coup, ouais, c'est vraiment ça qui l'emmerde? Ou est-ce qu'en fait, il fait partie des rebelles aussi, tu vois, et ça le fait chier de tuer un de ses collègues? Ah. Et je suis resté vraiment sur ce moment où il s'arrête comme ça, tu vois, et qu'il est là et qu'il lui dit, tu t'avais dit de pas t'en mêler et compagnie, tu vois. Et je suis en train de me dire, ouais, est-ce qu'il faisait semblant de se battre, tu vois, pour laisser l'autre s'échapper et compagnie? Ou est-ce que c'est juste ce qui l'emmerde, c'est que, bah ouais, un de ses compatriotes s'est fait tuer, quoi, et que du coup, bah, il le vit un peu mal parce que, ouais, il aurait peut-être pu être sauvé, ramené à la raison. Ouais, je me pose un peu des questions vis-à-vis de ce perso aussi. J'avais pas pensé à ça, mais t'as raison. Et ben, le truc, c'est comme on l'a vu dans Far From Home, jouer le rôle de Nick Fury, donc pendant très longtemps, il a pu diriger. Non, c'est comme dans les comics, hein. Parce que dans les comics, ce qu'il faut savoir, c'est que Nick Fury rencontre Talos et sa femme. D'ailleurs, il y a des références à Soren, qui est la femme de Talos, d'ailleurs qu'on apprend qui est décédée Oui, il dit qu'elle est décédée, je crois. Elle est décédée, oui, et que c'est la faction rebelle qui l'a tuée. Et en fait, dans les comics, c'est Talos et Soren qui prennent la place de Nick Fury et de Maria Hill, si je ne me trompe pas. Mais c'est comme ça aussi dans Far From Home. Oui, dans Far From Home, ouais, c'est ça. Oui, voilà. Du coup, ils ont fait un copier-coller. Mais en tout cas, c'est pas un personnage qui n'est pas ou qui n'est pas inconnu du MCU ni du. Enfin, qui est exploité par le MCU assez récemment, quand même. Ouais, mais là, la question, c'est de se dire, ça fait combien de temps qu'il a remplacé Nick Fury? Et quel souvenir il a eu? Qu'est-ce qu'il a pu intervenir? C'est pour ça que, bah, comme toujours, même dans les comics, hein, les Skrulls ont beau être gentils dans le MCU, tu te poses quand même toujours la question, est-ce qu'il est si gentil que ça? Je sais pas. Franchement, je suis un peu... Ça se trouve, on voit le vrai Nick Fury que là. Ouais, c'est ça. Ça fait hyper longtemps qu'il n'y avait pas Nick Fury sur Terre, en vrai. Et, tout ce que tu as connu, c'était que Talos et pas Nick Fury, quoi. C'est pour ça qu'on sent une différence, c'est possible. Ça va peut-être être le twist. Le plot twist. C'est ça qu'on dit. Non, mais c'est cool. Okay. De toute façon, il y aura un twist. Hein. On ne sait pas lequel, mais... Oui, on ne sait pas lequel, mais il y en aura. Oh. On va parler de deux personnages en même temps. Donc, on a parlé de... Donc, ça, c'est... on va continuer dans les gentils, d'accord. Laurent va nous parler un peu d'un. Alors c'est 100% spoil, je répète. Il faut pas s'inquiéter. Je pense que Pauline sait de qui on va parler. Laurent, t'étais content de retrouver Maria Hill ou pas? Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. L'ami de Nick Fury. Alors, Maria Hill. C'est l'ami de Nick Fury qui était avec lui au Shield. Ça te dit rien? Ah oui, oui. Le tout refroidi de la fin là. Celle de la scène finale. Cette finale. Ouais, mais bon, la scène finale. T'as pas aimé? Bah, j'aime pas trop, moi, quand dans le premier épisode, tout de suite, il y a un personnage important qui part. Quoi. Je trouve ça fort, moi, ça met de l'enjeu tout de suite, quoi. Mais ça se trouve, c'est un Skrull? Non. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que tu peux pas. Ça, ils auraient fait mourir quelqu'un de plus important, tu vois. Si c'était, franchement, la vois que très rarement dans les films. T'es quand même attaché parce que tu la vois depuis le début, mais. Pauline. Parce que ça te montrerait vraiment ça pour moi aussi, hein, qu'ils peuvent être partout. Pauline, ouais, alors, Maria Hill, le retour. J'étais contente de la revoir, mais ça fait un court instant, du coup. Non, mais clairement, mais après, personnellement, je ne sais pas quoi penser parce que j'ai envie de croire que c'est un Skrull. Et d'un autre côté, je me dis, ils sont capables de faire mourir quelqu'un au premier épisode. Mais après, je trouve ça très soudain. Vraiment, premier épisode, fin du premier épisode, il y a déjà quelqu'un qui meurt. C'est pour ça que je trouve ça un peu violent d'un coup. Et en plus, alors c'est un peu bête. Peut-être qu'il meurt aussi facilement. Hein. Mais après, je me dis, pourquoi elle, l'actrice, elle apparaît sur l'affiche, elle fait les promos et tout, tout ça pour être que dans le premier épisode, tu vois? C'est pour surprendre, je pense que c'est pour surprendre. Parce que dans la bande-annonce, tu la vois plus, hein, tu vois que les scènes du premier. Mais est-ce que c'est pas fait exprès, justement, parce que, étant donné que la fin du premier épisode, elle est comme ça et que chaque épisode sort toutes les semaines, du coup, c'est pour pas dire, ah oh, ben ouais, on sait qu'elle, finalement, elle est pas morte, on l'a vu dans le reste de la bande-annonce. Ou ça se trouve, un Skrull va prendre sa place. Aussi. Ouais. J'ai pensé à ça. Je suis pas sûr. Un Skrull va prendre sa place, elle est morte, et puis un Skrull va prendre sa place, et puis voilà. Bah, moi, je trouve qu'on la voit pas morte. Hein. Tu la vois par terre en train de se tuer. Par terre. Mais tu ne la vois pas. Elle bouge plus. À la Black Widow un peu. Oh, mais on est pas. Elle respire plus. On est vraiment, tu sais, sur le genre de série ou de film Marvel, tant qu'il n'y a pas un docteur qui a posé la main dessus, et encore que même ça, ils nous l'ont fait avec revenu. Docteur Strange, il arrive, ok, c'est bon, chirurgie cardiaque tout de suite. Là, le perso, bah, tu le vois par terre en train de se vider de son sang, tout le monde se barre, et ça s'arrête net. Bah, c'est-à-dire que toi, pour toi, Mika, dès qu'il y a un mort dans le MCU, il faut un acte de décès officiel. Tous les films. Appelez le médecin, bonjour. Ah, bah, il est mort, c'est dur. Hein. Dans un film, tu n'as pas un perso qui est spécifié mort, enterré, que tu le vois se décomposer. Pour moi, il est toujours capable de revenir. Avec le multivers, en même temps, il peut revenir à tout moment. Mais, mais ouais, c'est peut-être un Skrull. En fait, ça se coupe suffisamment. La scène se coupe suffisamment pour nous laisser supposer qu'elle est Skrull quand même. Ouais, bah, on verra pas. Parce que quand Everett Ross il meurt et qu'il devient un Skrull, c'est pas instantané. Ça vient un peu de. Tu reprennes leur apparence que quand ils sont vraiment morts. Quoi. Bah, après, comme ils souffrent en 30 balles là. Enfin, s'ils font ça, je trouve que c'est une grosse erreur. Hein, parce que. Bah, ils le montreront peut-être pas tout de suite, tu sais. Je pense que tu auras peut-être un truc genre épisode 3 ou 4 où on te remontrera la scène, tu vois. Et Schlack, tu le vois se transformer en Skrull parce qu'ils vont aller sur. Sur New Skrullos et se rendre compte qu'elle est là-bas attachée, tu vois, en disant mais merde, mais t'étais morte et tout. Et, Ouais, mais bah, en même temps, tu vois, c'est pas un personnage important, quoi. Donc, si vous avez voulu nous faire le coup, oh là là, il est mort, j'aurais mis un autre personnage. C'est un personnage qu'on voit 10 minutes tous les 5 films. Ouais, mais c'est censé être l'assistante de Fury. Donc, à chaque fois que tu vois Fury, tu la vois à elle. Et je les voyais mal mettre quelqu'un d'autre. Ils allaient pas faire ça avec Fury, ça aurait été con. Et il n'y a pas vraiment d'autres personnages hyper importants qui sont rattachés à Nick Fury parce qu'ils sont mais ça apporte rien à l'histoire de la faire mourir pour la faire ressusciter, autant on l'a pas à la faire mourir. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Pour moi, elle est morte, hein. C'est au niveau du scénar éventuellement faire avancer les choses, le forcer lui, tu sais, à se bouger le cul, mais moi j'ai un doute sur sa mort, j'ai franchement un doute quoi. Parce que si elle est Skrull, elle va apparaître Skrull au début du deuxième épisode dans ce cas là. Bah pas forcément, s'ils ne reparlent pas de ça ou qu'ils reviennent pas là-dessus avant, plusieurs épisodes, genre là, tu vois, quand il y a l'explosion à la fin et que tu vois juste son cadavre, ils sont en train de se barrer parce qu'ils peuvent pas rester sur place. Et s'ils reviennent chercher le cadavre et qu'il n'y en a plus, tu vois, tu pourras te poser plein de questions aussi, quoi. Donc je suis vraiment sur ce doute qui te laisse. Parce que s'ils font ressusciter tout le monde, tu vas regarder le reste de la série. Tu n'auras plus aucun stress, quoi. Enfin, je pense que j'espère en tout cas qu'ils ont mis en scène sa mort, sa vraie mort, pour justement créer un stress et te dire que tout est possible. Ouais, dans la série, tout le monde peut mourir. Ils peuvent te faire ça et te la faire revenir que dans le dernier épisode. Hein, Ouais. Donc c'est pour ça. C'est compliqué de toute façon quand on prend des personnages comme les Skrulls de te dire, tiens, il y a tel perso qui est mort, mais est-il vraiment mort ? Il suffit qu'on ne montre pas à l'écran la mort complète. Et comme là, ça pose un doute à l'inception, tu sais, ça s'arrête juste au moment où il faut pour que tu aies ce doute-là. Est-ce qu'elle est vraiment morte, pas morte ? Est-ce que tu la verras pas à la fin de la série ? Ouais, mais bon, je trouve qu'elle est pas... Ça serait quand même violent. Ça aurait été juste au bon moment. C'est vraiment... C'est calculé. À un moment donné, faut bien que les gens meurent, parce que si tu à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, il ressuscite. Je veux dire, tu regardes la série, t'as plus aucun stress, tu te fous de tout, quoi. C'est ça que je t'ai dit. S'ils attendent que le dernier épisode, tu te dis putain, ils nous ont bien niqué, tu vois, sur le final, quoi. Ouais, mais je. Ouais. Et là, tu serais vraiment dans ce que j'appelle l'éléphant à la Disney, où de toute façon tout va bien, il n'y a pas de problème, personne n'est vraiment mort. Mais ouais. Moi je la trouve soudaine la mort, c'est-à-dire que tu as suivi quand même Maria Hill depuis plusieurs années, on va dire ça, dans les grands films, etc. Et puis là je trouve que la mort elle est froide, mais c'est, elle arrive, Nick Fury, enfin c'est pas Nick Fury, on verra qui c'est tout à l'heure, mais boum, elle se fait buter par terre KO, boum, voilà, terminé. C'est-à-dire qu'elle a affronté, elle a affronté des super vilains à New York en flammes, machin, etc. Juste un Skrull avec un flingue, bon. Ah, puis sa mort va servir à justement à énerver Fury pour la suite, quoi. Donc, alors par contre, ça peut aider. C'est le but, hein. Et moi, je me posais la question de savoir, parce que vu que dans les comics, En fait, Maria Hill, c'est Soren, la femme de Talos. Je me suis posé la question, moi, en regardant. J'ai dit, ça se trouve, elle va se transformer en Skrull, parce qu'elle est morte. Et en fait, on va découvrir que c'est la femme de Talos. Ah, et que tu sais Hein ? Il a déjà dit, elle est morte, tuée par la fraction ennemie. Oui, mais il dit pas plus que ça. Ouais, donc. Il dit pas qu'il l'a vu, tu vois. Ouais, ou alors tu vas découvrir que c'est elle, la fraction ennemie aussi. Peut-être. Peut-être tu découvres c'est elle. Je vais prendre un avis de quelqu'un à côté de moi qui me dit qu'en général, dans ce genre de film, quand un personnage de ce genre-là meurt, ils en font des caisses tout de suite. Et là, c'est trop. C'est futile, ça passe fou. Voilà, elle est morte, fin. Et comme tu dis, c'est trop. Ouais, je sais pas, c'est vraiment froid. Trop froid. C'est limite, franchement, quand il a tiré, j'ai cru que c'était le vrai Fury qui avait tiré sur un Skrull qui avait pris l'apparence de Hill. Ouais, ouais, j'ai cru ça aussi, moi. Ouais. Mais je pense que ça s'est fait exprès, ça. C'est fait exprès, justement. Pour faire voir que les Skrulls, tu vois, ils sont. C'est difficile de savoir qui ils sont. C'est parce qu'il y a Emilia Clarke qui voulait faire une scène à la Game of Thrones. Une scène bien choquante qui choque tout le monde et puis qui marche. Je crois que c'est dire un autre type de scène. Je crois que c'est dire. Non. Un autre type de scène. Elle va monter sur Nick Fury. Non, pardon. Non. C'est un autre podcast. C'est un podcast qui est interdit au moins de 18. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, le personnage d'Emilia Clarke, il est dans le comics ou il est inventé? Ouais, t'as l'équivalent, je crois. L'équivalent, d'accord. Ah, l'équivalent, c'est Spider-Man. Ça, pas vraiment. S'il y a un équivalent, c'est Spider-Woman, qui est un Skrull et qui est la reine des Skrulls. Mais elle, c'est pas une reine, donc tu vois, c'est pas. Oh, c'est juste la fille de Talos, mais après. Ouais, c'est juste la fille de Talos. Si t'avais vraiment un équivalent, j'exagère, mais si vraiment t'avais un équivalent, ça serait plutôt. Ouais, parce que Spider-Woman est joué par. Enfin, est un Skrull. Et c'est la reine de. Des Skrulls qui met en place l'invasion. Mais. Et encore, je peux pas te dire tellement que c'est voilà, le même personnage, mais en tout cas, on est sur la même idée. Ouais, c'est quand même assez différent. Ouais. Si tu te bases là-dessus, Jarvis est un Skrull dans le comics. Oui. Artificiel est un Skrull dedans. Captain America est un Skrull. Wolverine est un Skrull. Mais le... Iron Man se pose la question de savoir si c'est un Skrull. C'est-à-dire que le mec, il se torture mentalement. Je suis un Skrull, non ? Ah, horrible ! Ah, est-ce que j'en suis un ? Oh. C'est... Voilà. Je trouve qu'après, il manque quand même ce côté que tu avais dans le comics, tu sais, justement, avec le vaisseau qui débarque en disant « mais ça fait 20 ans qu'on combat dans l'espace et tout, on revient, et tu sais, que tu as les doubles, ils ont les vieux costumes et tout. Ouais. » Et tout ce côté de se dire « merde, parce que tu réfléchis longtemps, hein, qui est vrai, qui n'est pas vrai, du coup. » Et dans la série, je le ressens moins. Il y a un peu cette idée où tu te méfies de tout le monde. Mais t'as pas ce côté, on te met deux personnages l'un à côté de l'autre, un des deux est un Skrull, démerde-toi, tu vois. Voir les deux. Mais en tout cas, ce qui est bien, ce qui est, enfin, par rapport aux comics, ce qui est bien dans cette série-là, enfin sur ces premiers épisodes, c'est que tu sais vraiment pas si le personnage que t'as en face de toi est un Skrull ou pas. Et ça, je trouve que c'est vachement bien reproduit. Tu sais pas, t'as le doute. Ouais, je suis d'accord. Toi, tu le ressens bien, ça. T'as un doute tout le long sur qui est Skrull ou pas. Et la deuxième chose qui ressort vraiment, c'est une invasion Skrull. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le comics, c'est le peuple Skrull. Là, c'est vraiment une faction de Skrull. Voilà. C'est vraiment les deux éléments qui sont identiques au final. Parce que le reste, ça n'a rien en commun. Hein. Le reste, ça n'a rien en commun. Donc, mais en tout cas, l'idée, elle est plutôt. Enfin, c'est original comme idée, hein, clairement. Mais ils sont inspirés du comics pour faire. De la base du comics pour en faire cette série-là. On va parler des deux rebelles qu'on connaît déjà. Donc, il y a Garrick, chef rebelle. Beau gosse. Il est quand même beau gosse. Il faut dire ce qu'il est. Hein. Gary, le chef rebelle, et alors, Emilia Clarke. Alors, je ne sais plus c'est quoi son nom. Je l'avais noté. Oui, qui est la fille de Talos et Gia, Soren. C'est pas ça, Gia, Gyar. Gia. À qui Emilia Clarke. Emilia Clarke. Je crois que c'est Gia, un truc comme ça. Attends, je vais regarder. Planète, hein, Gaïa. Gaïa, ouais, c'est ça, va être Gaïa. Oui, Gaïa. La Terre mère, donc, du coup, j'ai trouvé ça drôle qu'elle s'appelle Gaïa, comme la Terre. Oui. Mais en tout cas, Mika, comment tu as. Enfin, on a déjà un premier aperçu de cette fraction rebelle, on va dire ça. faction, pardon, rebelle. Moi, qui m'a fait un peu penser à, vous savez, aux méchants dans le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Ça m'a fait penser. Disais, avant, ça faisait un peu le même esprit. C'est ça, ça faisait à peu près le même esprit, le même type de d'attentat, etc. Enfin, c'est ma voilà. Type de, ouais. C'est pour ça que j'aime bien, en fait. Oui. C'est pour ça que c'est vendu pour Olivier. C'est vendu. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se font manipuler, surtout par le grand méchant tout vert. Bon, ils le sont tous, mais. je pense qu'il y a vraiment une grosse partie qui sont verts de rage. Et on leur promet, tu sais, d'avoir leur nouvelle planète ici parce que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour leur trouver un nouveau foyer, bah, ça n'a pas marché. Et que du coup, ils en ont marre et qu'ils ont décidé que bah, la Terre, c'est bien, on est là, on y reste. Mais t'as vraiment l'impression, quoi, le mec, il recrute tous les Skrulls qui savent plus quoi faire, qui sont un peu dans la merde et tout, et qui leur monte la tête, quoi, pour aller. Faire des attentats. Compagnie, parce que quand tu vois Gaïa, finalement, quand elle parle avec son père, d'un seul coup, alors soit elle fait semblant, bah, c'était quand même un doute, soit elle a vraiment ce doute de se dire, ouais, mais ce qu'on fait finalement, c'est bien ou pas. Et ouais, je trouve que t'as vraiment cet esprit de, pour moi, de manipulation complète, que toute la faction qui est là, ils sont pas méchants, ils savent pas où aller, ils sont juste paumés, quoi. Et je pense qu'ils se laissent. Tu penses pas que Gaïa les a piégés finalement? Elle a fait croire qu'elle était de leur côté et puis. Parce que c'est quand même bizarre, elle marque les sacs à dos, après ils retrouvent les sacs à dos ils sont vides. Ouais, mais en fait, comme ils te disent. T'as Gravi qui est derrière tout courant. Ouais. Laurent. Les choses, et puis est-ce que c'était vraiment elle ou pas? Parce que n'importe qui peut prendre son apparence aussi. Ouais, de toute façon, ils peuvent tout faire. Oui, ils peuvent tout faire. Ouais, c'est vrai. Par contre, ils peuvent pas se transformer en animaux. C'est pas possible. Ils peuvent pas. Ah, ouais. Ils peuvent pas. Non, je pense pas en tout cas. Ils peuvent pas se transformer en roquette alors? C'est pas non. Possible. Non, ils peuvent pas se transformer en roquette. Nous avons la compagnie de quelqu'un. Bonjour madame. Voilà. Attendez. La chouquette. Regarde. Oui. Laurent. Bon, je vais faire ça avec la chouquette. Alors, je vais faire ça avec la chouquette sur les jambes, les genoux même. Alors, Laurent, toi, est-ce que cette faction te fait peur? Te fait peur? Je doute bien qu'elle te fait pas peur, mais est-ce qu'elle te paraît crédible? J'ai découvert la série cet après-midi, donc. Et puis j'ai pas lu la bande dessinée, mais ouais, pourquoi pas? C'est une idée qui m'amuse, mais là, je vais revenir à la base. L'idée même que les Skrulls se liguent entre eux pour récupérer la planète Terre, moi c'est quelque chose qui me fait marrer, quoi. Je sais pas d'où est-ce qu'ils ont tiré cette idée, mais il y a des comment dire, des vieilles théories complotistes. Il y a des personnes qui croient que des reptiliens ont pris place à des personnes très influentes qui dirigeraient le monde. Et je pense que ils se sont peut-être inspirés de ça. Moi, je trouve ça assez amusant. Après, oui, que dans la série, il y a des gens qui se liguent contre. C'est tout à fait normal dans toute guerre, il y a une opposition. Ouais, ça me paraît tout à fait crédible. Moi, j'aime bien, en tout cas, le fait qu'il y a cette faction de rebelles. D'ailleurs, quand tu parlais des reptiliens, de personnes qui prennent les possessions de personnes importantes, de mémoire, c'était pas Harrison Ford qui devrait faire le président de la République dans les prochains Marvel? Non, il va prendre le rôle du général Ross. Ah ouais, d'accord. J'avais cru ça. Je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, le président, c'est pas Harrison Ford. Non, il va jouer Red Hulk. Ouais, c'est ça. D'accord. Et ça me fait penser, il n'y a pas une série avec une vieille série avec des reptiliens qui prennent la place des. V. V, bah ouais. J'y arrivais. Au micro. Oui, c'est des extraterrestres, c'est pas des reptiliens. C'est des extraterrestres, ok. Mais ils sont en forme de reptiles. C'est des lézards, ouais, c'est ça. Merci Chouquette de me faire participer, c'est très gentil. Tu veux dire quelque chose? Oui, c'est ça. Bon. Elsa, Anna, bah d'accord. Tu t'es trompé de podcast, c'est un autre. C'est un autre podcast. En tous les cas, dans tous les cas, le... Maman, elle n'est pas là, elle est en bas. Dans tous les cas, en fait, on peut constater quand même, comme disait Pauline, c'est qu'on a une faction rebelle qui, à peu près similaire dans la manière de s'organiser que dans le Faucon et Soldat d'hiver. On est à peu près dans cette même idée. Moi, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un lien. Bah, tu vois, je n'avais pas fait le lien, mais c'est parce possible. Que, ouais, si tu te souviens... Il y en a une, on est j'ai en un doute que ce soit un Skrull. Non, mais il y en a une, j'ai un doute que ce soit un Skrull. Comment elle s'appelle? Ah là là. À la fin, justement, elle appelle... Comment elle s'appelle? À la fin de la série, elle appelle... on sait pas qui, elle dit « C'est bon, j'ai les armes. » Ça me dit rien? Non. C'est l'agent, c'est l'ancien là. C'est là-bas, c'est celle qui fait, c'est celle qui a les. Attends, parce que Clément c'est en train de jouer avec le clavier. C'est Sharon Carter, voilà. Sharon Carter. En fait, j'avais déjà un doute que c'était un Skrull, moi, parce qu'à la fin, c'est pas con. Elle dit, j'ai un doute qu'elle soit un Skrull. Et dans le Faucon et Soldat d'hiver, comment elle s'appelle, Sharon Carter, qui est la petite fille de l'agent Carter. Si je me trompe pas, qui est aussi le Power Broker, eh bien, moi j'ai des doutes à la fin qu'elle soit pas un Skrull. Et je me pose la question de savoir s'il n'y a pas un lien entre Secret Invasion et Captain America. Et faut qu'on soit l'hiver. Ce qui serait pas déconnant parce qu'on est dans le même style de film, de série quand même. Ouais, non, mais c'est clair. Hein, c'est. Même la façon dont c'est tourné, etc. Ouais, ça va peut-être avoir un lien direct. Ouais. Voilà, ça serait pas déconnant. Voir, dans le même ça esprit de menace un peu terroriste comme ça. Oui, en plus, c'est pile le truc, tu sais, qui irait. C'est pile le thème aussi du Faucon sur la Libère, quoi. C'est absolument pas con, parce qu'en plus, au tout début, le mec que tu vois, là, celui qui est avec Everett, le faux Everett, lui dit qu'il pense que toutes les attaques terroristes qui ont eu lieu un peu partout sur Terre et compagnie ne seraient qu'en fait le seul et même groupe, ce serait les Skrulls qui auraient tout organisé. Donc ça serait tout à fait cohérent, effectivement, et ça expliquerait aussi pourquoi ce retournement de situation pour Power Broker, pourquoi est-ce que Sharon serait devenu un super vilain du MCU, quoi. C'est ça. Et Sharon Carter, bref, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais t'imagines si on voit le Captain America avec ce salier? Oh, ça serait trop bien. Ouais, ils ont mis War Machine déjà. Je sais pas vraiment si on va le voir. War Machine on le voit hein, quand même. On le voit, non, mais on voit son alias, mais on voit pas, il est pas en War Machine. Parie que ça va être un Skrull en War Machine. Il marche tout le Skrull. Tu donnes le doute là, c'est un Skrull. Pourquoi elle aurait fait Est-ce que toi, Olivier, t'es un Skrull? C'est pas. Bien sûr, ouais, si. Laurent, on est sûr que c'en est un. Parce qu'on a été manger ensemble avec Olivier, Laurent et tout le monde. On a été manger au Pim Kitchen. Il a mangé que des aliments verts. C'est sûr, c'est un Skrull. T'es un Skrull, Laurent. C'est sûr. Enfin, dernière question. Et on va s'arrêter là parce que quand même, ça va durer une bonne heure ce podcast quand même. Question. Pauline, qu'attends-tu de la suite et théorise-moi ça. Je me doutais que tu allais me poser cette question et j'y ai réfléchi. Je me suis dit, vas-y. Franchement, je ne sais pas. Non, déjà, quand même, une petite explication. Ne pas rester sur notre fin, de la fin du premier épisode. Au moins avoir peut-être, je ne sais pas, une suite, mais ne pas faire disparaître, entre guillemets, les personnages comme ça, parce que je trouve ça tellement violent, ou au moins, voilà, je ne sais pas, comme Mika a dit avant, un acte de décès qui prouve qu'elle est vraiment... Je veux un acte de décès. Elle est vraiment décédée. Non, mais... après, je ne sais pas trop. On est mis un peu dans l'ambiance progressivement, donc je ne sais pas, je vais me laisser surprendre. Je ne vais pas m'attendre à quelque chose et je vais me laisser surprendre. Alors, théorise-nous. Qu'est-ce qui va se passer après pour toi? Bah, je pense qu'à, je sais pas, je pense qu'on va, comme dit depuis tout à l'heure, on sait pas qui est Skrull, qui n'est pas Skrull, et je pense qu'on va déjà être choqué par certains et pas par d'autres. Je pense qu'à ce niveau-là, déjà, on va découvrir pas mal de choses, et surtout par rapport à Fury. Comme on l'a dit avant, j'espère qu'on va avoir une évolution du personnage et le voir, pas dire redevenir comme avant, mais être aussi badass qu'il était sur ses précédents films du MCU, quoi. Olivier. Moi, je pense que c'est en fait, avant toute chose, une série sur Nick Fury. Et je pense que la mort, qui j'espère va être définitive de sa comparse, va le transformer. Et je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur Nick Fury, en fait, à travers ses souvenirs. Et pour moi, ça va être plus une série sur Nick Fury, en fait. Et Laurent. On va apprendre. On va apprendre, t'as dit ça... je pense qu'on va apprendre des choses inédites. Ah bah justement, qu'est-ce que tu penses que, là, tu te concentres sur... Prends, pose tes boules. Je pose mes boules. De pétanque. moi, je pense... théorise, pour toi, qu'est-ce que cette série va te révéler plus tard cette série-là est nécessaire au MCU. Donc, qu'est-ce qu'elle va te révéler? Que c'est le Nick Fury qu'on voit là, c'est celui qu'on n'a jamais vu. Que depuis le début, c'est un Skrull. D'accord. Pour toi, c'est ça. Je verrais bien un truc comme ça. Après, je me trompe peut-être, hein, mais... T'as peut-être raison, ce que les Skrulls... Laurent ? Bah, un peu comme Olivier, pour moi, la série, elle tourne autour de Nick Fury. C'est d'ailleurs la première impression, quand j'ai vu les bandes-annonces, « Ouais, chouette, Nick Fury, on va le revoir. » dans une série, et c'est ça qui m'attire en premier. Ensuite, j'attends bien sûr qu'il monte en puissance, et la question numéro 2 dans cette série pour moi, c'est qui est qui, et moi, jusqu'au plus haut niveau, moi je pense que même que le président des États-Unis c'est un Skrull. C'est sûr. J'en suis sûr. Moi aussi. Il a dit, occupez-vous de cela, sans dire de quel côté il est, mais c'est un malin Fury. Mika. Non, mais franchement, j'attends beaucoup de cette série. Je pense qu'elle va être super sympa et je pense que c'est une charnière. Il y a un virage d'effectué. Bon. Mika. Écoute, moi, j'en attends essentiellement ce côté. De te montrer que depuis le début du MCU, certains persos qu'on a connus étaient des Skrulls. Histoire de relancer un gros truc pour la suite du MCU. J'espère sincèrement qu'ils vont oser au moins faire ce genre de truc. D'un autre côté, m'est venue en tête l'idée saugrenue que dans Far From Home, Nick Fury se fait réveiller de sa sieste et que ça se trouve la série c'est son cauchemar qu'il est en train de faire. Voilà. C'est comme dans Dallas. Le réveil de putain, j'ai fait un cauchemar à la con, tu vois. Putain, j'ai rêvé que j'étais vert, comme le géant. Bon, j'espère pas, parce que ça serait quand même une idée de merde. Tu m'étonnes. Ou alors, on va apprendre qu'Iron Man était un Skrull, donc il est pas mort. Ouais, franchement... alors là, mais non, mais... Après, je crois pas trop, quand même. Là, tu veux dans le comics, ils se torturent de savoir s'il est un Skrull ou pas. Ah ouais, mais bon, tu sais, après ils vont te dire ouais, mais il est pas redevenu comme il était, mais il est mort à cause des pierres. Alors il ça. Il a une angine. Et ça l'a filmé définitivement sous cette apparence, tu vois. Ouais, tu peux faire ce que tu veux. Ah oui, non, bah après, oui, ils vont faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent ramener Iron Man, ils ont 200 moyens de le faire, mais je pense que c'est pas le but. À mes yeux, comme je te disais, pour moi, c'est la continuité sera avec des nouveaux persos et qu'on va un peu dégager les anciens. Mais là, c'est ouais, j'attends vraiment ce côté révélation. Tiens, tu te rappelles tout ce que t'as vu dans ce film-là? Bah, c'était pas lui. T'attends un truc comme ça. Bon, ouais, mais ça me répond pas. Il n'y en a aucun qui a répondu à ma question, en fait. Bah, si. Quel... Mais non, ma question, l'une de mes questions était, mais à votre avis, qu'est-ce que va apporter ce Secret War au MCU? Secret Invasion. Secret Invasion. J'avais de l'avance sur longtemps. Ouais. La question que je me pose, moi. Elle sort en pleine phase 6. C'est juste avant The Marvels, là, donc qui va sortir. Avec Nick Fury, justement. Ouais, mais la question, c'est est-ce que The Marvel se passe après ou avant ? Apparemment, ça serait avant. Voilà. Pour le moment, ils n'ont pas trop encore donné ça. Mais je pense que si se démerde bien, la série sera vraiment un point de pivot pour la continuité, à amener justement sur les prochains films qui vont sortir. Bah, tout ce qui a changé, les persos qu'on connaissait, qui ne sont pas ceux qu'on a connus finalement. Et ils peuvent vraiment repartir sur quelque chose de plus neuf vis-à-vis de certains persos qui deviennent un peu chiants d'ailleurs. Donc. Pour ma part, je suis incapable de réfléchir là-dessus. Pourquoi ? Très simple, c'est qu'en fait, quand je regarde tout ce qui ressort de la phase 6 et suivant, c'est que tout tourne autour du multivers et de Kang le Conquérant. Ouais, alors, j'arrive pas à voir quelle est la place. Non, mais j'arrive pas à voir quelle est la place. Je n'arrive pas à voir la place de Secret Invasion dans le MCU. Là. J'arrive pas à voir. Mais ça avait été vendu par Marvel comme étant un long film, en fait. Un peu comme le film sur Black Widow. Moi, j'ai compris que c'était un truc à part, un peu, si tu veux. Je suis pas sûr que ça va découler. Pas forcément, parce qu'en fait, quand tu regardes Black Widow, tu vois sa sœur dans la série Hawkeye. Hein. Ouais, non. C'est un personnage principal. Hein. Moi, ouais. Je pense que ça va être un arc narratif. En toute honnêteté, tu sais ce qui me fait peur, c'est que ce soit la dernière apparition de Fury et qu'il meure à la fin. Et là, c'est un Skrull. Ou que ce soit vraiment sa retraite finale, ou que ce soit vraiment sa mort à la fin d'une manière ou d'une autre. Qui serait pas tellement déconnant qu'il prenne une retraite ou pas, parce que on parle plus beaucoup du Shield maintenant, on parle plutôt du Sword. Je pense que Samuel Jackson, il commence à être âgé, peut-être qu'il en a un peu marre aussi, donc je sais pas. C'est pour ça. Je pense vraiment que la série, c'est son. Ah, tu dis ça, Harrison Ford, il est jamais marre. Ah, si. J'ai pensé pareil, Harrison Ford, il est quand même. Il a son âge aussi, pourtant. Harrison Ford, il joue le dernier Indiana Jones, il a dit que c'était le dernier qu'il ferait plus rien là-dessus. Et là, il va jouer le général Ross, c'est un moyen qui clame ça aussi, tu vois. Donc, Immortel. Moi, j'ai cette impression-là où, en fait, où j'ai à peu près comme vous, je pense qu'on verra notre Nick Fury d'avant, malicieux, tu sais, fort, sûr de lui, au fur et à mesure. Et je le vois plutôt dans cette série comme un John Wayne, tu vois. Comme un sorte de western urbain, ça, un truc comme ça. Ça fait un peu ça dans la bande-annonce. Hein. Quand tu regardes la bande-annonce, t'as l'impression que c'est un cow-boy dans. Ça fait penser à ça. Ouais, c'est con, mais bon là, soit il est pas rasé, enfin il est mal rasé, tu vois son œil. Mais regarde sur lui et tout. Regarde comment il est à mon avis, c'est à partir du prochain ou du troisième. Ouais, mais là il faut qu'il remette santé. C'est Nick Fury d'avant. John Wick, le gars. Voilà. Comme c'est pour moi, ça sent le chant du cygne de Fury, quoi, cette série. Il va empêcher l'invasion Skrull, il va y laisser la vie, et puis. Ils peuvent pas le faire mourir dans une série, ils le feront mourir dans un film, mais. Maria Hill, elle est morte, ça durait deux mois. Maria Hill, elle a un petit rôle, entre guillemets, c'est pas non plus. Tu la vois du début de part. Moi, je dirais qu'elle a eu un rôle sous-exploité. Oui, voilà, mais elle n'a pas été mal exploité. C'est ouais. Bon. On verra ce que donnera la suite. En tout cas, je reste persuadé que j'arrive pas à mettre la place de cette série là dans le MCU. J'arrive pas. Peut-être j'ai tort. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura quand même un lien avec Captain America et Soldat d'hiver. Ce serait cool. Peut-être que j'ai fou. J'aimerais bien, sachant qu'en plus il y a le prochain Captain America qui doit sortir, donc si c'était qui s'appelle The New Order. Ouais, Nouvel Ordre. Parce que tu as plus de temps que sans s'apparaître dedans. Le Nouvel Ordre. Donc peut-être que. On verra. Peut-être. Eh bien, merci les amis pour ce court podcast. On va se revoir après pour l'épisode 4. C'est votre moment de publicité. Voilà. C'est magnifique ça, la publicité. Pauline. On te retrouve toujours sur Chic Choc. C'est ça. Sur Mime. Exactement. On va pas abuser. OnlyFan. De gueule. Oui, je fais plein de vidéos sur Mime, sur TikTok. TikTok et Instagram, c'est très, très bien. C'était quand on est à séjour à Disney? Attends, on a les vacances d'avril. Oh, ça fait loin. Ouais, et je retourne pas avant octobre. Oh, terrible. Ouais. Terrible. Dur, dur. Là, ouais. C'est dur. Olivier. Mais... Oui. Oui. Olivier. Mais quoi? Oui, oui. Je dis mais si je retourne en octobre, c'est au Marvel. Ah oui, t'as raison. Faut se faire plaisir. Oh. Peut-être que tu. Ça se trouve, hey, fais gaffe parce que ça se trouve, c'est des scrolls. Hein. Ouais, les casse-papers, c'est des scrolls. Ouais, c'est des scrolls. Plus en un, et tu nous dis. Ça c'est forcément en scroll, lui. Olivier. Oui, bah, bon, alors, sur YouTube, toujours. YouPorn, exactement. Ça, faut pas le dire, mais voilà. Et donc, sur YouTube et un petit peu sur Instagram, mais surtout sur YouTube. Voilà. Et la dernière vidéo sur la Pride est excellente. Merci, merci. Voilà, j'avais cette impression que Bianca Costa était sous-cotée comme chanteuse. Oui, j'étais surpris aussi. Ouais, c'était elle a mis le feu. Ouais, ouais, elle a mis l'ambiance. Ouais, pump it up. Pump it up, ouais. Laurent. Ah, bah écoutez, pareil, t'as joué un peu sur YouTube. Bah là, la Pride sort avant le week-end. Faut que je me dépêche. Et si vous voulez retrouver Laurent dans le parc, faut aller chez le barbier. C'est vrai ou pas? Voilà. Quasiment maintenant. Il a sa place. Et un petit peu sur Insta aussi. Voilà. Et Mika. Alors Mika. Moi je suis juste là pour être là. Même tatouage depuis 10 ans. Ouais, moi c'est. J'ai vu de la lumière sur près. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. En tout cas, merci. Tous les quatre, on se revoit après l'épisode 4, bien entendu, pour faire le point. Alors là, c'est un peu plus long quand même, parce qu'il va falloir briefer 3 épisodes supplémentaires et on verra si vous aviez raison ou tort. On aura Olivier, normalement, de MSA avec nous. Et la semaine prochaine, je compte sur vous pour le podcast, tant attendu, du Spider-Verse. Pour ceux qui l'ont vu. Ouais. Est-ce que tu l'as vu, Pauline? J'ai vu. Oh, je pense pas que je pourrais. Eh ben pas grave, t'as raté un chef-d'œuvre. Voilà, c'est tout. Donc là, ça sera beaucoup plus long là, parce que là, il va falloir qu'on ait plein de choses sur ce super film qui est Spider-Man Across the Spider-Verse avec Miles Morales. On va faire parler je pense qu'on va en parler un bon moment de ce chef-d'œuvre. Voilà. En tout cas, merci tout le monde de votre écoute, merci de votre accueil pour le podcast, merci à vous les amis de participer. Voilà, n'hésitez pas. Alors, j'ai appris que maintenant vous pouvez mettre des étoiles et des pouces sur les podcasts. Alors, j'en ai quelques-uns, donc c'est gentil. Donc voilà. Oui, Mika, il montre son pouce, c'est bien. Merci beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Pour se faire un peu de pub, même si on est pas mal écouté, ça serait pas mal de rajouter un petit peu de publicité. Ça fait pas de mal. Voilà. Sur ce, merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Et puis dans 2 semaines pour le prochain podcast sur le Spider-Verse. Bye. À plus. Ciao. Salut. Vous êtes ouverts, les gens.